se le pie la mer. Qu'a profité de la nuit pour serrer ton fer noir. Rally à poser dans les nuages pour faire un bel voyage. Hey, hey, hey, hey. Étoiles qui éclairent nous, les anges qui guident nous, dans le pays l'homme fou, la caille nous. En la trip pour trouver tout ça nous qu'a rêvé et nous peut espérer partager. Assis la voix la terre.